Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Juridique Playlist, le podcast des questions éthiques et juridiques sur la diffusion des données de la recherche dans le monde académique. Réalisés auprès d'expertes et d'experts issus de diverses disciplines, ces podcasts sous forme d'entretiens mettent en lumière des questionnements éthiques et juridiques en relation avec la dissémination des données. Toutes et tous partagent leurs analyses et observations de situations vécues dans le cadre de leurs travaux scientifiques ou de leur expérience professionnelle. Bonne écoute! Nous avons intitulé le deuxième épisode de notre juridique playlist. Vous avez dit plagiat ? En effet, aujourd'hui je reçois Isabelle Gras, coordonnatrice depuis septembre 2023 de la mission formation des usagers du service commun de documentation d'Aix-Marseille Université. Dans ce cadre, avec son équipe, elle propose à l'ensemble de la communauté académique des formations et des modules pédagogiques en lien avec les questions juridiques relatives au droit et en particulier au plagiat. Pour elle, il est essentiel de bien connaître les rouages qui sous-tendent les principes du droit d'auteur afin de faciliter la compréhension de cette notion et de s'en prémunir lors de la rédaction de tout type de travail universitaire ou d'écrit scientifique. Dans cet épisode, Isabelle Gras aborde la question du plagiat au-delà de sa simple dimension légale, en lien notamment avec les pratiques de citation des sources, des modalités de présentation des bibliographies et de l'organisation des références, mais elle s'intéresse également aux enjeux éthiques liés à la diffusion des connaissances. Commençons par une définition. Qu'est-ce que le plagiat? Et peut-être aussi, donc, quand peut-on parler de plagiat? Alors, on va parler d'actes de plagiat à partir du moment où un utilisateur s'approprie illicitement tout ou partie de l'œuvre d'autrui, c'est-à-dire qu'il en assure la représentation, la reproduction, intégrale ou partielle, sans le consentement de l'auteur ou, quand l'auteur n'est plus là, sans le consentement de ses ayants droit. Le plagiat, c'est un acte qui est défini à l'article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle et qui expose l'utilisateur à des dommages et intérêts qui peuvent aller jusqu'à 300 000 euros d'amende et qui peuvent également induire des sanctions pénales allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Alors, le plagiat, en tant qu'acte d'appropriation illégale d'une œuvre originale, c'est donc à la fois un délit de contrefaçon, mais c'est également un manquement à l'intégrité scientifique et une fraude scientifique. Donc, si je comprends bien, pour qualifier un acte de plagiat, il faut être en présence d'une œuvre. Mais alors, qu'est-ce que l'œuvre, au sens du code de la propriété intellectuelle ? Alors, en effet, le plagiat, c'est l'appropriation illicite d'une œuvre. Et donc, pour qualifier le plagiat, il faut effectivement s'assurer que nous sommes bien en présence d'une œuvre. Derrière le plagiat, il faut voir que non seulement donc il y a l'œuvre sur laquelle on va revenir, mais il y a également cette volonté finalement de faire fi de l'auteur, de nier son droit de paternité et véritablement de passer outre l'autorisation qu'il est nécessaire de demander à l'auteur qui détient tous les droits sur son œuvre. Alors, au sens du code de la propriété intellectuelle, l'œuvre de l'esprit, elle est protégée par le droit d'auteur. Donc il faut être en présence d'une œuvre de l'esprit, ce qui signifie que tous les contenus, toutes les créations ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Par exemple, on ne peut pas revendiquer une propriété privative sur les idées. On dit que les idées, elles sont de libre parcours. On ne peut pas non plus revendiquer une propriété privative sur les théorèmes scientifiques, les méthodes mathématiques, les découvertes. Idem pour les créations qui ne sont pas originales. Pour être en présence d'une œuvre de l'esprit, il faut que la création réponde à deux critères, à deux conditions, au sens du code de la propriété intellectuelle. Alors, on va revenir sur ces deux conditions, mais ce qui est important également de rappeler, c'est qu'il n'y a pas besoin de formalité de dépôt pour que une œuvre soit reconnue en tant que telle. Il n'y a pas besoin d'une formalité de dépôt qui se ferait auprès de l'Institut National de Propriété Industrielle, même si cela peut se faire. Il faut, en revanche, et ça, ce sont deux conditions nécessaires à remplir, il faut qu'il y ait un caractère original de l'œuvre. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est il faut qu'il y ait une formalisation de l'œuvre. Alors, si on revient sur le caractère d'originalité, qu'est-ce que c'est une œuvre originale? Ça n'est pas nécessairement une œuvre nouvelle. C'est une œuvre qui porte la marque de la personnalité de l'auteur. Ce caractère original, il vient de l'apport personnel qu'a apporté l'auteur. Et donc, ça peut ne pas être une nouveauté. Par exemple, une traduction, c'est une œuvre de l'esprit en tant que telle, la traduction, mais c'est bien une œuvre qui s'appuie sur une œuvre préexistante, et en cela qui n'est pas nouvelle. La traduction, elle emprunte des éléments à une œuvre première. Donc le degré d'originalité, il est indifférent au sens du code de la propriété intellectuelle pour qualifier l'œuvre d'original. Mais par contre, il faut qu'il y ait cette notion d'originalité, quel que soit son degré. Et le deuxième critère qui doit être couplé à cette notion d'originalité, c'est le critère de la formalisation de l'œuvre. Pour qu'il y ait œuvre, il faut qu'il y ait mise en forme. Il faut qu'il y ait la volonté de rendre cette œuvre perceptible par les sens. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important, d'avoir cette forme originale et cette forme qui est également concrète. Et un élément enfin qui me semble important à mentionner, c'est que une œuvre qui répond à ces deux critères, originalité et formalisation concrète, elle est protégée par le droit d'auteur, même s'il n'est pas fait explicitement mention de tout droit réservé ou d'un copyright. C'est-à-dire qu'on ne peut pas subodorer l'autorisation que donnerait l'auteur sur l'utilisation qu'on peut faire de son œuvre. Il faut solliciter expressément l'auteur pour savoir quelles utilisations je peux faire de son œuvre au-delà des exceptions au droit d'auteur dont fait partie la citation d'un court extrait. Mais finalement, est-ce qu'il existe des cas de plagiat autorisés ou alors quelles sont les exceptions au droit d'auteur qui vont permettre de faire du plagiat? Alors oui, en effet, il existe des exceptions au droit d'auteur qui sont explicitement prévues par la loi. Et ces exceptions sont notamment pour la plus connue l'exception de courtes citations d'extraits d'une œuvre. Qui nécessite le respect de trois critères qui sont rappelés à l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui rappelle que pour qu'une citation soit correcte, il faut qu'il y ait mention de l'auteur et référence explicite au document, à la source du document. C'est tous les enjeux autour du droit de paternité, avec la mention de l'auteur. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, il faut que les propos de l'auteur soient reproduits exactement, que la visée originale de l'auteur soit respectée, ce qui fait référence au droit au respect de l'intégrité de l'œuvre. Et enfin, le dernier critère, il faut que la citation soit brève et qu'elle serve à illustrer les propos. Donc ça, c'est un cas qui est assez connu d'exception au droit d'auteur, où il n'est pas nécessaire de solliciter l'accord de l'auteur pour pouvoir faire mention d'une courte citation. D'autres exceptions sont également prévues par la loi, notamment des exceptions à des fins d'illustration dans le cadre d'enseignement et de recherche. On peut également citer, notamment pour les bibliothèques, les archives, les exceptions à des fins de conservation pour préserver les conditions de consultation de documents. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que ces cas d'exception au droit d'auteur impliquent néanmoins le respect du droit moral, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire fi du droit moral qui s'applique toujours, même dans ces cas qui sont encadrés par la loi. Et pour rappel, le droit moral en matière de droit d'auteur, c'est à la fois le droit de divulgation et son corollaire, le droit de retrait. C'est également le droit à la paternité, le droit d'être reconnu comme l'auteur de l'œuvre, et c'est enfin le droit au respect de l'œuvre, le fait que l'intégrité de l'œuvre soit respectée. Et le droit moral, à l'inverse des droits patrimoniaux, est un droit qui est perpétuel, qui est imprescriptible et inaliénable. Et à la suite de la mort de l'auteur, ce sont les ayants droit qui assument le droit moral, les droits moraux qui affaire à l'œuvre. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de, sur le plagiat, bon, peut-être hors du contexte universitaire, pour nous sortir de nos habitudes? Oui, alors il y a un exemple qui me semble intéressant en matière de plagiat, ou en tout cas la question du plagiat a été soulevée. En 2021, à l'occasion de la vente aux enchères d'une sculpture du peintre italien Salvatore Gauro, qui a proposé une sculpture invisible intitulée « Io sono », « Je suis » en italien. Et à l'occasion de cette vente aux enchères, un autre artiste s'est manifesté, l'artiste américain Tom Miller, qui a accusé le peintre italien de plagiat, au motif que lui-même avait réalisé en 2016 une sculpture invisible, cette fois-ci nommée « Nothing ». Alors ce qui est intéressant de voir, c'est comment aussi en matière d'art, et notamment d'art conceptuel, il y a un jeu qui est fait avec les pourtours, les contours de la propriété intellectuelle, et que en l'espèce, ça allait jusqu'à une accusation de plagiat, puisque Tom Miller demandait à être crédité, sous peine d'engager des poursuites judiciaires. Alors toute la question a été de savoir si une œuvre invisible peut être protégée par le droit d'auteur. Ce qui revenait à poser la question suivante, est-ce qu'on peut revendiquer une propriété exclusive du vide ? Et en l'espèce, c'est important de rappeler que le vide, comme d'ailleurs les couleurs, sont des biens communs et que chacun peut se les approprier dans son espace de liberté de création, qu'il s'agit voilà, de biens communs, et donc on ne peut pas en revendiquer une propriété exclusive. Ce qui permet de rappeler, puisque je viens de dire effectivement que les couleurs ne peuvent pas faire l'objet d'une appropriation exclusive, quid du fameux bleu clin, le IKB. Le bleu clin, alors, ça n'est pas la couleur outre-mer qui a été déposée auprès de l'IMPI. Ce qui est intéressant de rappeler dans la démarche d'Yves Klein, c'est que c'est bien un procédé technique, et le procédé technique suivant qui associe à la couleur bleue outre-mer un liant spécifique qui donne cette fameuse couleur du bleu Klein. Donc c'est un exemple voilà, qui est intéressant en matière d'histoire de l'art. Donc, au sein du service commun de documentation d'Aix-Marseille Université où vous travaillez, est-ce que vous avez mis en place une offre de services spécifiques sur le plagiat ? Alors, au niveau de la mission formation des usagers du service commun de la documentation d'Aix-Marseille Université, le souhait est véritablement de sensibiliser l'ensemble de la communauté universitaire aux bonnes pratiques en matière de citation, aux bonnes pratiques en matière de droit d'auteur. Et c'est d'ailleurs à ce titre qu'ont été réalisés des modules interactifs dédiés à la méthodologie du travail universitaire, dont quatre de ces modules sont spécifiquement dédiés aux questions juridiques en matière de droit d'auteur, en matière de plagiat, en matière de citation des sources et également en matière de référencement bibliographique. Tout l'enjeu est donc d'accompagner au mieux les étudiants depuis la licence jusqu'à leur doctorat pour les accompagner sur ces enjeux juridiques, leur montrer quelles sont les bonnes pratiques à appliquer en matière de citation, de respect des normes de référencement. Il y a d'ailleurs parallèlement à ces modules qui sont ouverts à tous et qui peuvent être réalisés en auto-formation, il y a de manière complémentaire des formations spécifiques qui sont proposées à la communauté universitaire pour, par exemple, se former sur le logiciel Zotero. Donc il y a voilà, plusieurs initiatives qui sont proposées par les bibliothécaires formateurs du réseau des bibliothèques d'Aix-Marseille, toujours dans le but d'accompagner les étudiants, les enseignants-chercheurs qui le souhaitent, dans la rédaction de leur rapport, d'un mémoire, d'un travail de recherche, et de faire en sorte que ces questions juridiques ne soient pas bloquantes, mais de pleinement se les approprier pour, librement exprimer ses travaux scientifiques et sa part de créativité également. Parce que c'est ça qui nous semble le plus important, c'est de voir aujourd'hui à quel point la diffusion numérique ouvre des perspectives en termes de visibilité, et comment on peut penser différemment les mécanismes de protection juridique des œuvres, comment tout en gardant un cadre juridique qui est sécurisé, où le droit de paternité reste la base de cet édifice qui protège à la fois l'auteur et l'œuvre, on peut essayer de penser des cessions de droits qui ne sont plus forcément exclusives, mais qui peuvent être non exclusives, comme c'est le cas par exemple avec les licences Creative Commons, qui sont un formidable outil juridique qui ouvre des perspectives de partage des savoirs très intéressantes. Merci Isabelle Gras de notre échange. Et peut-être avez-vous quelque chose à ajouter sur la question du plagiat ? Alors au niveau de la mission formation des usagers, c'est vrai qu'on aborde les questions de droit d'auteur sous l'angle des compétences informationnelles, sous le prisme des formations documentaires. Et ce qu'on observe, c'est que le trio bibliothécaire-formateur, ingénieur pédagogique et enseignant est extrêmement précieux pour la transmission de ces bonnes pratiques en matière de citation des sources, hein, puisque tout l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de plagiat et donc d'accompagner les auteurs dans la citation de leurs sources, mais également tout un enjeu autour de la sélection de l'information, qui est très important, notamment à l'ère de l'intelligence artificielle, qui pose également des questions en matière de droit d'auteur, mais ça, c'est un autre sujet. Merci beaucoup Isabelle Gras d'avoir accepté cet entretien et sa diffusion. Merci de nous avoir éclairé sur le plagiat et ses enjeux. Les auditeurs et les auditrices trouveront les références que vous nous avez partagées pour ce podcast sur le carnet de recherche Questions d'éthique et de droit, https://ethique-droit.hypothèse-au-pluriel.org. À tout bientôt. Merci de votre écoute. Cette série de podcasts a l'ambition d'enrichir l'ouvrage collectif intitulé « Guide de bonnes pratiques éthiques et juridiques pour la diffusion des données en sciences humaines et sociales » publié en 2018 aux éditions des Presses universitaires de Provence et disponible sur l'archive ouverte HAL. Ces podcasts sont librement accessibles sur le carnet de recherche intitulé « Questions d'éthique et de droit » à l'adresse https://ethique-droit.hypothèse-au-pluriel.org. Les podcasts ont été conçus par Véronique Ginouves, ingénieure de recherche CNRS, archiviste à la médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, et Isabelle Gras, conservatrice des bibliothèques au sein du service commun de documentation d'Aix-Marseille Université. Ce projet a pu être réalisé dans le cadre d'un appel à contribution du J-Surfiste. Vous entendez les voix d'Isabelle Gras en introduction et en conclusion, et de Véronique Ginouves au cours des entretiens. Annick Boissel, archiviste indépendante, a réalisé les montages et proposé les illustrations sonores et textuelles. Elle a sélectionné la musique intitulée Arabesque sur la plateforme freesong.org, placée par son auteur Vrima sous licence CC0. Le service commun de documentation d'Aix-Marseille Université ainsi que les équipes des unions régionales de formation à l'information scientifique et technique ont accompagné cette réalisation. Nous accueillerons avec intérêt vos commentaires sur le carnet. Merci de partager ce podcast sur vos réseaux. À bientôt pour un prochain épisode de Juréthique Playlist.